J'ai peur de moi. J'ai peur du noir, j'ai peur d'y croire. J'ai peur de dormir seul le soir. J'ai peur du vent, j'ai peur du temps. J'ai peur des gens, peur de mourir rapidement. J'ai peur de ce qui ne m'arrivera pas. J'ai peur d'être trop bien dans tes bras. J'ai peur que tu n'aies plus de moi. J'ai peur de toi, j'ai peur de quoi. J'ai peur de moi. I'm afraid of me too. I'm afraid of you.